The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Leaf. La feuille. To move. Bouger. Deer. Le cerf. To frighten. Effrayer. Beast. La bête. To wear. Porter. Massacre. Le massacre. Animal. L'animal. Now, a bit faster. Massacre. Le massacre. Deer. Le cerf. Massacre. Le massacre. Beast. La bête. Animal. L'animal. Beast. La bête. To wear. Porter. Deer. Le cerf. Animal. L'animal. To move. Bouger. Animal. L'animal. To wear. Porter. Massacre. Le massacre. Deer. Le cerf. Leaf. La feuille. Now, use the words in context. La feuille. Leaves fall in autumn. Les feuilles tombent en automne. Bouger. Move your chair a little. Bouge un peu ta chaise. Effrayer. Hunters frighten animals. Les chasseurs effraient les animaux. La bête. There's an animal over there. Il y a une bête là-bas. Porter. I'm going to wear these shoes tonight. Je vais porter ces chaussures ce soir. Bouger. Move your chair a little. Bouge un peu ta chaise. Effrayer. Hunters frighten animals. Les chasseurs effraient les animaux.